Vous aimez bien ces beignets espagnols de fête foraine tout croustillants? Ça tombe bien, la recette est toute simple. Dans une casserole, vous portez à ébullition l'eau avec l'huile, le sel et le sucre. Ajoutez l'eau bouillante à la farine et mélangez énergiquement pour avoir une pâte homogène, soit à la main ou au robot. La pâte doit être collante, n'hésitez pas à ajouter un peu plus d'eau si ce n'est pas le cas. Chauffez l'huile à 190 degrés et versez la pâte dans une poche à doux avec un embout cannelé. Faites des bâtonnets de la taille de votre choix, que vous coupez à l'aide des ciseaux et que vous laissez tomber dans le bain de friture chaud. Laissez cuire les churros jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés, ça prend en tout environ 3 minutes. Saupoudrez de sucre et servez immédiatement selon votre goût, soit avec une sauce au chocolat ou au caramel. Pour la sauce au chocolat, il suffit de faire fondre le chocolat dans de la crème liquide chaude et de lisser avec un fouet. On arrive donc à la fin de la recette, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis bon appétit et à la prochaine.